La Bible David Martin 1855. Seconde épître de Saint Jean. Seconde Jean chapitre 1. L'ancien, à la dame élue, et à ses enfants, que j'aime sincèrement, et que je n'aime pas moi seul, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous, et qui sera avec nous à jamais. Que la grâce, la miséricorde et la paix, de la part de Dieu le Père, et de la part du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père, soit avec vous, en vérité et en charité. Je me suis fort réjoui d'avoir trouvé quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ô dame, je te prie, non comme t'écrivant un nouveau commandement, mais celui que nous avons eu dès le commencement, que nous ayons de la charité les uns pour les autres. Et c'est ici la charité, que nous marchions selon ses commandements, et c'est ici son commandement, comme vous l'avez entendu dès le commencement, afin que vous l'observiez. Car plusieurs séducteurs sont venus au monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Un tel homme est un séducteur et un antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que nous ne perdions point ce que nous avons fait, mais que nous en recevions une pleine récompense. Quiconque transgresse la doctrine de Jésus-Christ, et ne lui demeure point fidèle, n'a point Dieu. Celui qui demeure en la doctrine de Christ, a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous, et qu'il n'apporte point cette doctrine, ne le recevez point dans votre maison, et ne le saluez point. Car celui qui le salue, communique à ses mauvaises œuvres. Quoique j'eusse plusieurs choses à vous écrire, je ne les ai pas voulu écrire avec du papier et de l'encre, mais j'espère d'aller vers vous, et de vous parler bouche à bouche, afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur élue te saluent, Amen.